Alphonse Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'association de la diaspora burundaise travaille en collaboration avec le gouvernement burundais pour apporter sa contribution dans le développement du pays. Elle donne plus de 200 millions d'euros qui entrent dans le pays via les institutions bancaires. Vous entendrez dans cette édition le président de cette organisation, Japhet Legentil Ndayishimiye. Le Sénat burundais s'inscrit en faux contre la récente résolution du Parlement européen sur le Burundi qui parle de la violation des droits de l'homme depuis avril 2015 et demande des enquêtes sur les meurtres et autres abus commis au cours de cette période. Une séance publique a été organisée aujourd'hui à la chambre haute du Parlement burundais pour dire non à cette résolution. Il revient aux politiciens de répondre à leurs déclarations et non à la police. Le porte-parole de la police nationale réagit aux récents propos du président du parti FNL qui accuse le numéro 2 de l'Assemblée nationale de préparer une guerre pour prendre le pouvoir. Et puis, la plateforme de l'opposition Sénared salue le récent rapport qui a été présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par Michel Cafando, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'organisation. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La diaspora burundaise contribue annuellement à hauteur de plus de 200 millions d'euros dans les caisses de l'État. Cela a été dit par le président de l'association de la diaspora burundaise. C'était ce mardi lors du lancement officiel de la semaine dédiée à la diaspora. Japhet Legentil Ndayishimiye, président de la dite association, fait savoir que son organisation, en collaboration avec le ministère des Relations extérieures, travaille de concert pour analyser la part de la diaspora dans le développement du Burundi. Je vous propose de l'écouter. Nous avons une vision au niveau de la diaspora. Nous essayons de travailler ensemble avec le Burundi pour pouvoir identifier ces Burundais qui ont des idées et qui peuvent faire avancer le Burundi dans le développement. La plupart des Burundais qui envoient leur fonds, leur argent, ils construisent des maisons, ils lancent des projets dans la population. Donc c'est une contribution non négligeable. Donc je peux dire que la diaspora joue un rôle prépondérant dans le développement du Burundi. En 2012, nous avons évalué plus de 240 millions d'euros que la diaspora a envoyé via les instances nationales, disons les banques. Mais 2012 jusqu'à ce jour, la diaspora est devenue une frange plus énorme dans le monde entier. Donc, on ne connaît pas exactement aujourd'hui combien ils envoient au Burundi, mais l'argent qu'ils viennent dans leur poche est beaucoup plus important que l'argent qu'ils envoient via les banques. Je peux dire que la diaspora donne une contribution qui est beaucoup plus forte que la contribution de l'Union européenne. Donc, nous sommes des partenaires privilégiés. On est en train de travailler ensemble avec le gouvernement pour voir ensemble qui sont ces Burundais qui envoient, qui exécutent des projets ici au Burundi. Combien et quelles sont leurs formations? Le Parlement européen a sorti le 6 juillet une résolution sur le Burundi dans laquelle il déplore la situation des droits de l'homme dans ce pays depuis le mois d'avril 2015. Ce Parlement demande qu'il y ait des enquêtes sur les meurtres et autres abus commis au cours de cette période pour que les auteurs soient connus et puissent répondre de leurs actes. Dans cette même résolution, le Parlement européen trouve que l'ethnisation de la crise politique au Burundi prend une allure inquiétante. Évariste Nzikobanyanga a lu pour nous cette résolution. Dans cette résolution, le Parlement européen déplore le fait que le gouvernement burundais ait entamé une procédure de retrait du pays du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et demande cependant au gouvernement burundais de revenir sur la procédure de retrait et veiller à ce que le pays continue de participer pleinement à la Cour pénale internationale. Les députés européens invitent dans cette résolution de juillet 2017 le gouvernement burundais à respecter pleinement la résolution 2303 de 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à permettre le déploiement d'une unité de police des Nations Unies afin qu'elle assure le suivi de la situation en matière de sécurité dans le pays. Ce Parlement salue la mise en place en novembre 2016 de la commission d'enquête des Nations Unies sur les droits de l'homme perpétrés dans le pays depuis avril 2015, tout en invitant les autorités burundaises à coopérer pleinement avec les membres de la commission d'enquête. Le gouvernement burundais est aussi appelé à lever les interdictions et à éliminer les restrictions imposées aux médias et à certaines associations de la société civile, à revenir sur la nouvelle législation relative aux ONG étrangères et à veiller à ce que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme puissent exercer leurs activités en toute liberté et sécurité dans le pays. Le Parlement européen se dit inquiété par l'éthnisation de la crise, par le recours à une propagande fondée sur une idéologie ethnique et invite instamment toutes les parties en présence au Burundi à s'abstenir et à respecter pleinement l'accord d'Arusha. Ce Parlement relève dans cette résolution que la situation au Burundi a des répercussions extrêmement dommageables dans l'ensemble de la région. Salue à cet égard les efforts de négociation menés sous l'égide de la communauté est-africaine avec l'appui de l'Union africaine et demande l'engagement et la coopération des autorités burundaises en vue d'une solution immédiate, mais se déclare fortement préoccupé par la lenteur des progrès de ce dialogue. Le Parlement européen invite l'Union européenne à soutenir les efforts des auteurs régionaux dans la résolution de la crise et demande la mise en œuvre de la feuille de route du facilitateur tanzanien désigné par la communauté est-africaine. Évariste Nzikobanyanga, en réaction à cette résolution, le Sénat burundais indique que la justice sanctionne les crimes commis par certains agents des forces de sécurité et de la justice. Dans une séance publique organisée ce mardi, le sénateur Salvatore Bigirimana accuse le Parlement européen de travailler sur de faux rapports et dresse le bilan des policiers et agents de la justice frappés par la loi. Je vous propose de l'écouter. Considérant les mesures prises par le gouvernement de la République du Burundi pour lutter contre la criminalité, le terrorisme et le trafic des êtres humains, que dans le cadre de la lutte contre l'impunité, les crimes commis depuis le 26 avril 2015, plus de 10 702 dossiers ont été confectionnés par la police judiciaire, dont plus de 8 201 ont été transmis au parquet, que 21 magistrats ont été révoqués, 19 ont été suspendus, 9 sont encore détenus pour corruption ou jugement unique, que depuis le 26 avril 2015 jusqu'à aujourd'hui, 126 policiers ont été révoqués de leurs fonctions et que 43 d'entre eux ont été condamnés et purgé leur peine dans les établissements pénitentiaires pour manquement grave. Les interrogations qui naissent des déclarations des politiciens, c'est à eux d'y répondre. Cela est dit par le porte-parole de la police et qui réagit à la déclaration du président du parti FNL. Jacques Bigirimana avait fait savoir que l'honorable Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero Barundi et premier vice-président de l'Assemblée nationale, serait en train de préparer une guerre et que les preuves sont au service national de renseignement. Pour Pierre Ngurikiye, la police fait un travail technique et ne se mêle pas à la politique. Suivez. En principe, lorsque au niveau de la police, on mène des enquêtes, eh bien on recherche des indices de culpabilité pour les infractions qui vont être commises ou alors sur des infractions déjà commises. Après, le dossier est transmis avec les personnes appréhendées, si elles ont été appréhendées, ou avec le dossier. Tout ça, c'est transmis au parquet pour compétence. Et chaque fois que la police veut communiquer sur l'une ou l'autre infraction qu'elle a constatée ou sur laquelle elle enquête, eh bien, nous appelons les médias et nous leur disons ce que nous faisons. Quant aux dires des politiciens, c'est à eux de répondre aux interrogations qui peuvent naître de ces dires. Pour vous, au niveau de la police, vous pouvez dire que ce qu'a déclaré Jacques Bigirimana n'a pas de rapport avec vos enquêtes. Ce qu'il a déclaré, il faut aller lui demander. C'est à lui de répondre. Moi, je parle au nom de la police. Et chaque fois qu'il y a une infraction en cours ou alors une enquête qui est en cours, et si la police le juge nécessaire, eh bien, nous appelons les médias pour leur communiquer ce que nous faisons. La radio Isanganiro a jugé bon de revenir sur les déclarations du président du parti FNL. Dans une conférence de presse tenue vendredi de la semaine dernière, Jacques Bigirimana avait précisé que les preuves qu'Agathon Rwasa est en préparation d'une guerre sont au service national de renseignement. Concernant les preuves matérielles pouvant affirmer les allégations dirigées contre Rwasa Agathon, c'est vrai qu'il serait en train de préparer la guerre au Burundi, c'est un socket d'opérationnaire. Je voudrais dire dans mon intervention, Gwasa Agathon n'a jamais abandonné l'idée de faire la guerre. Parce que selon ce qu'il croit comme héritage de Dieu, il dit que c'est lui qui devra diriger le pays par la paix ou par la guerre. Alors par la paix, ça n'a pas été, il a échoué lors des élections de 2015. Ce qui restait, c'est quoi? C'est de participer aux élections de 2020. Et puis là, il est impatient. À mon avis, il veut être président aujourd'hui. Alors, être président avant les élections de 2020, comment est-ce qu'il parviendra-t-il? Par la guerre. Alors, il s'y prépare déjà. Et puis, si vous voulez beaucoup plus de preuves matérielles, je vous recommande d'aller chercher les services de l'ordre parce qu'ils ont déjà appréhendé pas mal de gens parmi les fidèles de Gwasa Agathon en flagrant délit, la main dans le sac. Si vous refusez de vous donner ces éléments, vous allez me retourner. Je veux vous les donner. Nous interpellons les services habilités. Je n'ai pas condamné comme tel, mais j'ai donné des éléments. Il appartient à ces instances, il appartient à ces organisations citées d'agir conséquemment et de prouver la réalité. Si nous lui attribuons des faits qui ne sont pas justes, nous sommes là pour répondre. Mais je ne pense pas que ce soit faux. Contacté ce mardi sur l'épreuve, Jacques Wigrimana n'a donné aucun détail avant de nous raccrocher au nez. Isanganiro, la radio de l'avenir. La plateforme de l'opposition Sénared salue le rapport présenté dernièrement par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le président de ce conseil se dit satisfait que Michel Kafando ait indiqué que le dialogue inclusif est la seule voie pour la paix. Charles Nditije se réjouit que l'émissaire des Nations Unies se soit également prononcé sur le caractère intouchable de l'accord d'Arusha. Il appelle le gouvernement burundais à s'engager dans la voie du dialogue inclusif sans condition. On l'écoute. M. Kafando a indiqué clairement que la voie la mieux indiquée pour une sortie de crise réussie et que le pouvoir de Bujumbura accepte de dialoguer de manière inclusive sans condition avec l'opposition, tant en exil que celle qui est à l'intérêt du pays. À travers ce message, M. Kafando indique que c'est le régime de Nkurunziza qui refuse ce dialogue inclusif, qui est pourtant la voie incontournable pour sauver le peuple burundais. Et le président Kafando a insisté, et à juste titre, que l'accord d'Arusha doit rester la pierre angulaire, la norme de référence pour que la paix, la stabilité et la réconciliation puissent être retrouvées au Burundi. Et nous notons également que M. Kafando en a appelé à la communauté de l'Afrique de l'Est, à l'Union africaine, pour qu'ils fassent preuve de plus de solidarité, que la communauté va les appuyer, pour qu'ils puissent prendre des mesures d'apaisement au Burundi. À vous entendre, le Sénared salue le travail déjà accompli par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi. Dans l'laps de temps qui vient de passer comme envoyé spécial, secrétaire général des Nations Unies, M. Kafando fait quand même un rapport assez objectif de la situation qui prévaut au Burundi. Mais malheureusement, il ne lui revient pas de trouver la solution à la crise burundaise. C'est d'abord les Burundais. Ensuite, ça devrait être le rôle de la sous-région qui a été mandatée par l'Union africaine et la communauté internationale pour servir de médiation. Donc la balle est dans le cas de la sous-région qui, au nom du principe de solidarité, doit prendre les devants pour nous aider à résoudre cette crise qui n'a que trop duré. Si jamais le gouvernement burundais accepte de s'asseoir avec le Sénared et d'autres politiciens, est-ce que vous allez vous asseoir avec lui sans poser des conditions? Nous acceptons de nous asseoir avec lui sans conditions. Les conditions seront posées quand nous serons autour de la table des négociations, quand nous serons en train de discuter de l'agenda de ces négociations et des solutions appropriées à la crise burundaise. Avant, on ne pose pas de conditions. C'est ça que devrait faire d'ailleurs le gouvernement de Bujumbura. Sur la rencontre qui se tiendrait depuis ce lundi en Finlande entre une délégation du gouvernement burundais et les représentants du Sénared, Charles Nditije s'abstient de tout commentaire. Une quarantaine de personnes en provenance de la République démocratique du Congo ont été accueillies ce mardi dans la matinée par le service d'immigration au port commercial de Lomongue, c'est au sud du Burundi. Ces personnes qui affirment fuir l'insécurité qui règne dans le sud Kivu ont été remises par après à l'ambassade de la RD Congo à Bujumbura qui doit étudier leur cas. Jean-Pierre Misago. C'est vers 4h du matin de ce mardi que ces 43 Congolais ont débarqué au port commercial de Rumonge. Selon des sources sur place, il s'agissait de 4 hommes, 8 femmes et 31 enfants originaires de Baraka, Misisi et Mongemonge, dans le sud de Kivu, qui affirmaient fuir l'insécurité dans cette région et qui venaient de passer plusieurs jours dans la brousse. Une insécurité consécutive au combat entre les FARDC et les Maïmaï, selon leur dire. Après leur identification par le service de l'immigration à Rumonge, ils ont été remis à l'administration communale qui les a acheminés ensuite à leur ambassade à Bujumbura l'après-midi de ce mardi même à bord de deux minibus de marque Hias, alors qu'une certaine opinion à Rumonge parle de violation de la loi régissant les demandeurs d'asile. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit que l'administration a honoré leur vœu d'être conduit à leur ambassade, contrairement à leurs 57 compatriotes refoulés ce 22 juillet dernier, et au moins acceptent d'être pris en charge par le Haut Commissariat aux réfugiés, a reconnu l'administrateur communal de Rumonge, Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle principalement des symptômes et du traitement de la thrombose veineuse profonde. La principale complication de la maladie est l'embolie pulmonaire qui peut conduire au décès, comme l'indique le cardiologue Marc Nimburanira. Comme défini la semaine dernière, cette maladie se caractérise par la formation anormale d'un caillot sanguin et survient le plus souvent dans une veine profonde de la jambe. Les détails avec Francine Ndiokoubgaï. Comme défini dernièrement par le cardiologue Marc Nimburanira, la thrombose veineuse est une constitution de caillots au niveau des veines profondes qui se forment dans certaines situations. Le docteur Nimburanira nous parle des différents symptômes que peut générer la thrombose veineuse. Ce sont principalement des patients qui viennent en consultation se plaignant des œdèmes, surtout œdèmes unilatéral dans membre inférieur. Il va dire, docteur, je me suis levé le matin, j'ai trouvé mes chevilles d'un côté ou de l'autre, gonflé. L'autre plainte, la personne vient vous disant que je trouve mon membre inférieur très édémacié. L'autre plainte, c'est que le patient va venir vous dire au niveau du mollet, j'ai très mal. Au niveau du creux palpité, j'ai très mal. Ou à la racine de la jambe, j'ai très mal. C'est un patient qui va vous dire, quand je touche sur mon membre inférieur qui est gonflé, je sens qu'il y a une petite chaleur. La thrombose veineuse est une maladie qui peut également entraîner de graves complications selon le cardiologue. En aigu, le patient peut développer une embolie pulmonaire. Ça consiste en une migration de ces caillots qui se sont formés au niveau des membres inférieurs. Ça traverse le cœur droit, ça arrive au niveau des artères pulmonaires, ça bouche ces artères pulmonaires et ça entraîne des difficultés d'échange gazeux et ça entraîne un essoufflement, une dyspnée. Et l'autre complication en chronique, c'est le syndrome post-phlébitique. C'est un patient qui va garder un membre inférieur plus édémacié par rapport à l'autre membre inférieur. Pourquoi on a ce syndrome? Parce qu'il y a eu destruction des valvules qui normalement empêcher le sang qui remonte de retourner en bas. L'hospitalisation du patient est la meilleure façon de traiter la thrombose veineuse profonde. Dans la majorité des cas, devant toute thrombose veineuse profonde, il faut hospitaliser le patient chez qui vous faites ce diagnostic. D'abord, pour donner un traitement et bien surveiller tout au début et prodiguer une éducation à votre patient. Le traitement médical va consister à administrer de l'héparine. L'héparine est de bois poids moléculaire qui se donne en deux injections, une injection le matin et une injection le soir. Mais en même temps, vous débutez avec des comprimés, ce sont des antivitamines K. Ces antivitamines K vont permettre que le sang reste fluide. Pendant l'hospitalisation, vous allez surveiller la numération parce que les paries ne peuvent avoir comme complications une thrombopénie induite par les paries. Donc, il faut surveiller les plaquettes. Mais en même temps, vous surveillez l'INR qui est un élément qui permet de vous dire que le traitement anticoagulant par les comprimés antivitamine K, que ce traitement est déjà efficace ou pas. Nous conseillons aux patients de porter des bandes de contention dès l'hospitalisation, même à domicile. La durée du traitement, globalement, c'est entre 3 et 6 mois. La durée d'alitement doit être courte pour éviter la survenue d'une thrombose veineuse profonde. Dans les cas les plus à risque, un traitement préventif à base d'anticoagulants peut être nécessaire. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Noyau pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Huitalijo.